إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات حياكم الله لطاعتي. Donc nous poursuivons l'explication du livre intitulé Bulugh al-Maram, donc le livre de la purification. Et donc nous nous sommes arrêtés au hadith de Uthman ibn Affan. Donc l'auteur il dit: Uthman rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses doigts humectés d'eau dans sa barbe lors des ablutions. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc l'auteur ici, rahmahullah, rahmatan wasi'a, il nous mentionne le hadith de Uthman ibn Affan. Et dans ce hadith, Uthman radiallahu an a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer ses mains mouillées dans sa barbe. Ceci, ikhwani fillah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe fournie. Et nous avons vu dans le hadith de Laqit ibn Sabira radiallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire couler l'eau entre les doigts. Et en ce qui concerne le fait de passer les mains mouillées dans la barbe, il n'est pas venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait ordonné cela. Ceci fut juste rapporté en termes d'action. Ceci est une information importante, surtout lorsque l'on sait que les savants nous disent que l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam seul n'indique pas une obligation. De ce fait, il n'est donc pas obligatoire de passer les mains mouillées dans sa barbe. Et les savants nous mentionnent qu'il y a deux cas de figure concernant la barbe. Le premier cas de figure, c'est lorsque la barbe n'est pas fournie et qu'on voit la peau à travers la barbe. Dans ce cas-là, il est obligatoire que l'eau atteigne la peau. Et le deuxième cas de figure que les savants ont mentionné, c'est lorsque la barbe est fournie. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire que l'eau atteigne la peau. Il suffit seulement de laver ce qui est apparent de la barbe. Mais le mieux, c'est de passer les mains mouillées dans la barbe. Naam. Et donc nous tirons de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement que nous tirons, la recommandation de passer ses mains mouillées dans la barbe. Car la simple action n'indique pas l'obligation. Le deuxième enseignement, ce hadith est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la barbe et que sa barbe était fournie. Et dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux hommes de laisser pousser leur barbe. Et la barbe, ikhwani fillah, fait partie de la beauté du visage de l'homme. Malheureusement, ikhwani fillah, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ont pris leurs critères de beauté chez les mécréants. Lorsqu'ils veulent s'embellir, ils se rasent. Car malheureusement, certains musulmans prennent les mécréants en modèle. Il y a quelques années, lorsque les gens de la Sunna mentionnaient l'obligation de laisser pousser la barbe et l'interdiction de la raser, beaucoup de musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, n'écoutaient pas. Et ils voyaient cela comme un retour en arrière. Mais lorsque ceci est devenu une mode aux États-Unis et en Angleterre, et que certaines célébrités ont commencé à ne plus se raser la barbe, beaucoup de musulmans, wal'iyadhu billah, les ont suivis. Et ceci est une triste réalité. Lorsque tu vas dire à certaines personnes, ceci fait partie de la religion, il ne va pas prêter attention à ta parole. Mais lorsqu'un mécréant connu va faire cette même chose, beaucoup vont le suivre. Par la suite, l'auteur, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il nous mentionne deux hadiths. Le premier hadith, donc c'est le hadith de Abdullah ibn Zayd. Donc Abdullah ibn Zayd rapporte, on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam une quantité de 2/3 de moud d'eau dont il se frotta les avant-bras. Et dans le deuxième hadith que l'auteur il a mentionné toujours, d'après Abdullah ibn Zayd, il rapporte également avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser pour ses oreilles une eau autre que celle utilisée sur sa tête. Dans la formulation de Muslim, il est dit, il s'essuya la tête avec une eau autre que celle qui restait des mains. Donc dans le premier hadith, Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions avec une très petite quantité d'eau. Et ceci nous montre, ikhwani fillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne gaspillait pas l'eau. Et le musulman doit donc faire preuve de modération dans la quantité d'eau qu'il utilise lors des ablutions. Car le gaspillage est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 31 de sourate Al-A'raf, « وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » Et ne commettez pas d'excès, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui font des excès. Et la quantité d'eau avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions dans ce hadith est la plus basse. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait ses ablutions avec moins d'eau que cela. Et certains savants ont estimé cette quantité d'eau à 620 grammes. Donc ça, c'est la plus basse quantité d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour faire ses ablutions. Et concernant le fait de frotter les membres des ablutions, comme il a été mentionné dans ce hadith, les savants ont divergé sur cela. Le premier avis est que cela est obligatoire. Et les savants qui sont de cet avis ont dit qu'on ne peut pas être sûr que l'eau atteint les membres des ablutions sans frotter les membres. Donc c'est pour cela qu'ils sont d'avis qu'il est obligatoire de frotter les membres des ablutions. Le deuxième avis que les savants ont mentionné est que frotter les membres des ablutions est une sunna et ce n'est pas obligatoire. Et ceci est l'avis de la majorité des savants et ceci est l'avis le plus juste. C'est une sunna, d'accord, de frotter les membres, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Non. Ensuite, l'auteur, il a mentionné par la suite, donc toujours un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Zayd. Donc il rapporte également avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser pour ses oreilles une eau autre que celle utilisée sur sa tête. Ensuite, il dit dans la formulation de Muslim, il est dit, il s'essuya la tête avec une eau autre que celle qui restait des mains. Donc concernant le hadith que l'auteur, il a mentionné, ce hadith-là est certes faible. Lorsqu'il dit donc avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abdullah ibn Zayd, utiliser pour ses oreilles une eau autre que celle utilisée sur sa tête, ce hadith-là est faible. Mais la bonne formulation, c'est la formulation qui est venue dans le hadith de l'imam Muslim. Et dans le hadith de l'imam Muslim, il est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la même eau. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses mains mouillées sur la tête, ensuite, d'accord, il utilisait cette eau-là pour les oreilles. Et donc ce n'est pas un hadith qui est authentique pour qu'on puisse le mettre en pratique. Le hadith qui est authentique nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la même eau. Ensuite, l'auteur, il dit, Abu Huraira rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, au jour de la résurrection, les membres de ma communauté viendront le visage et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante en raison des ablutions. Ainsi, celui d'entre vous qui peut étendre cet éclat de blancheur, qu'il le fasse. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, au jour de la résurrection, les membres de ma communauté. Ce qui est voulu par les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont suivi. Et donc, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui, ils viendront le jour de la résurrection avec un signe distinctif. Et ce signe-là sera spécifique pour eux. Et ce signe-là, ils l'auront sur le visage, les mains et les pieds. Et donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne ce signe distinctif. Et il nous dit, les membres de ma communauté viendront le visage et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante en raison des ablutions. Donc les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les membres de sa communauté, ceux qui l'ont suivi et ceux qui ont cru en lui, viendront avec le visage et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante. Et certains savants, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres savants, ont pris ce hadith comme preuve concernant un sujet. Et ce sujet-là est que certains savants sont d'avis que les ablutions sont spécifiques aux membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, selon eux, les peuples d'avant ne faisaient pas les ablutions. Et ces savants se sont basés sur ce hadith. Ces savants se sont basés sur ce hadith. Et ils ont dit que ce hadith montre que les ablutions sont une spécificité de cette communauté. Et d'autres savants, et ceci est le deuxième avis concernant ce sujet, sont d'avis que les ablutions ne sont pas spécifiques à cette communauté, mais plutôt les ablutions sont spécifiques aux prophètes. C'est-à-dire que les prophètes, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient aussi les ablutions, mais leurs suiveurs ne faisaient pas les ablutions. Mais l'avis de la majorité concernant ce sujet est que les ablutions n'est pas une spécificité de cette communauté. Car dans certains hadiths, il est venu que certaines personnes de Benu Israël ont fait les ablutions. Notamment celui qu'on appelle Jureyj, le moine. Lorsqu'il a été accusé de fornication, il a demandé à faire les ablutions et par la suite il a prié deux unités. Ensuite, il a dit à l'enfant Men Abouk, qui est ton père? Et l'enfant lui a répondu que son père était le berger. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Jureyj et a fait parler cet enfant. Et donc dans ce hadith, Jureyj a fait les ablutions. Et comme vous le savez, Jureyj faisait partie donc de Benu Israël. Il ne faisait pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous montre très clairement que faire les ablutions n'est pas une spécificité de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au jour de la résurrection, les membres de ma communauté viendront le visage et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante en raison des ablutions. Ensuite, il est dit, ainsi, celui d'entre vous qui peut étendre cet éclat de blancheur qu'il le fasse. Cette phrase, lorsqu'il est dit ainsi, celui d'entre vous qui peut étendre cet éclat de blancheur qu'il le fasse, ceci n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci est plutôt la parole d'Abu Huraira. C'est pour cela qu'Abu Huraira, il avait une compréhension spéciale de ce hadith. Abu Huraira, lorsqu'il faisait les ablutions, lorsqu'il lavait ses mains jusqu'au coude, il dépassait le coude jusqu'à presque arriver à l'épaule. Et ceci est une erreur. Car ce hadith-là n'indique en aucun cas, d'accord, qu'il faut laver jusqu'à l'épaule. Mais Abu Huraira radiallahu anhu, c'est comme cela qu'il a compris ce hadith. Ce hadith-là nous montre le mérite des ablutions et le signe distinctif que les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam auront le jour du jugement, et ce signe distinctif est spécifique à eux, mais ça ne montre pas qu'on doit dépasser par exemple le coude jusqu'à arriver à l'épaule, etc. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est la confirmation de la résurrection. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au jour de la résurrection, les membres de ma communauté viendront le visage et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante. Donc il y a dans ce hadith la confirmation de la résurrection, comme nous l'avons mentionné donc précédemment. Le deuxième enseignement, il y a dans ce hadith le grand mérite des ablutions. Le grand mérite de ces ablutions. Et les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendront le visage et les extrémités des bras et des jambes d'une blancheur éclatante. Et tout ceci nous montre le mérite de faire les ablutions. Le troisième enseignement, ce hadith nous montre aussi le mérite de la prière. Le mérite de la prière. Car le signe distinctif de cette communauté sera à cause des ablutions. Et les ablutions est une condition de la prière. Alors que dire du mérite de la prière? Le mérite de la condition est immense. Alors que dire du mérite de la prière? Il n'y a pas de doute que la prière a beaucoup plus de mérite que les ablutions. Le quatrième enseignement est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne sa miséricorde à qui il veut et donne ses mérites à qui il veut. Car ce mérite-là est ce signe distinctif et spécifique aux membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les membres des autres communautés précédentes n'auront pas ce signe distinctif. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.